Chapitre 42e. Harry fut un peu trop longtemps à jouir de cette ovation. Il resta plus longtemps qu'on ne l'avait calculé et rencontra sur le seuil de la porte Théodore Burton au moment où il s'en allait. En l'apercevant à la lueur du réverbère, Harry souhaita pouvoir l'éviter, mais ce n'était pas possible. « Eh bien, Harry, » dit Burton en lui tendant la main. « Comment allez-vous, Burton ?» dit Harry, essayant de prendre un air naturel. Interrogé à son tour sur sa santé, il parla de sa maladie, de la fièvre qu'il avait beaucoup abattue. Il ne voulait pas mentir, mais il exagéra certainement la gravité de sa fièvre. « Quand reviendrez-vous au bureau ?» demanda Burton. Il faut se rappeler que Burton, le frère, ne pouvait refuser de faire bon accueil au fiancé de sa sœur, mais l'homme déplorait cet engagement. Il ne croyait pas que Harry eût le talent des affaires, et il s'était presque réjoui de voir Florence débarrassée de lui. Il y avait donc un léger sarcasme dans son ton quand il parla à Harry de son prochain retour au bureau de la Delphi. Je ne saurais trop vous dire pour le moment, dit Harry, alléguant sa maladie. On ne voulait pas me laisser venir à Londres, et à vrai dire, je ne serais pas venu de sitôt, n'eût été mon impatience de voir Florence. Je ne sais pas, Burton, si je dois vous parler de cette affaire. J'ai lieu de croire que vous avez dit à ces dames tout ce qu'il y avait à dire. Oh, assurément. Elles m'ont parfaitement compris, et je crois que nous nous entendons bien. En ce cas, il est inutile de n'en rien dire. Venez au bureau dès que vous le pourrez. Voilà tout. Après une maladie, on ne se fortifie pas en restant oisif. C'est là mon avis. Harry s'éloigna en s'estimant heureux d'avoir échappé à si bon compte. En rentrant chez lui, il dut penser à la seconde démarche qu'il avait à faire. La dernière fois qu'il avait vu Lady Ongar, il lui avait promis d'abandonner pour elle Florence Burton. Cette promesse pouvait, aux yeux de Julie, le lier encore. Lui-même s'était cru lié jusqu'au moment où il avait subi l'influence de sa mère au presbytère. Pendant longtemps, son âme avait oscillé entre Bolton Street et Onslow Crescent. Maintenant, toute oscillation avait cessé. Désormais, Bolton Street allait être pour lui un terrain défendu, et le bercail d'Onslow Terrace deviendrait le sien, en attendant qu'il eût un foyer à lui. Il lui fallait cependant informer Lady Ongar de sa décision finale. Il conclut qu'il valait mieux le faire par écrit, et il se mit à lui écrire le soir même avant de se coucher. Ce ne fut pas sans peine qu'il écrivit cette lettre. Il importait de choisir ses expressions, car une lettre subsiste et parfois au grand détriment de celui qui l'a écrite. Un homme devrait toujours faire de vive voix ses aveux. Mais dans ce cas-là, la chose était plus difficile, et Harry, craignant de ne pouvoir s'expliquer suffisamment dans une entrevue, écrivit ce qui suit. Bloomsbury Square, juillet 1860 et quelques. Il fut facile d'écrire la date, mais ensuite, quel nom fallait-il donner à celle qu'il avait récemment appelée sa très chère Julie? Il se tira d'embarras en ne lui donnant aucun nom du tout, et il continua. Je crois de mon devoir de vous raconter ce qui m'est arrivé pendant ces dernières semaines. Je suis arrivé aujourd'hui de Clavering et j'ai vu depuis Mrs. Burton et Miss Florence Burton. Je sors de chez elle et je m'assieds pour vous écrire. Cela dit, Harry sentit que tout ce qu'il pourrait ajouter serait superflu. Ces quelques lignes lui apprenaient tout ce qu'il avait besoin de savoir. Mais convenance exigeait qu'il en dît plus long, et il continua. Vous savez que je me fiançai à Miss Burton peu après votre propre mariage. Je vois maintenant que j'aurais dû vous en informer à notre première entrevue. Mais si je l'avais fait, j'aurais eu l'air de vous dire cela avec une intention particulière. Je ne sais si je me fais bien comprendre. J'aime à croire que oui. Je n'en regrette pas moins de vous l'avoir caché. Pour tous deux, il eût mieux valu le dire. Cela m'aurait évité une grande douleur, et à vous peut-être un peu de contrariété. Il y a quelques semaines, je fus mandé à Clavering pour une affaire de famille. J'y tombais malade et je fus obligé de m'aliter. Sans cela, je ne vous aurais pas laissé si longtemps dans l'inquiétude, si inquiétude il y a eu. Pour moi, je dois avouer que j'étais très faible, plus que faible, penserez-vous peut-être. Je ne sais si votre ancienne amitié pour moi vous disposera à m'excuser un peu, mais je suis bien sûr que je ne pourrai alléguer aucune excuse qui ne se soit déjà présentée à votre esprit. S'il vous plaît de croire que j'ai manqué de cœur, ou plutôt, si vous pouvez en venir à concevoir de moi une telle opinion, tout ce que je pourrais dire ou écrire ne détruira pas dans votre esprit cette impression. Je crois qu'il est inutile de rien ajouter. Vous comprendrez, d'après ce que je vous dis, tout ce que j'aurais à vous dire si je rappelais ce qui s'est passé entre nous. Tout est fini maintenant, et il ne me reste plus qu'à former des vœux pour votre bonheur. J'ignore si nous nous reverrons jamais. Si cela arrive, j'espère que nous ne nous considérerons pas comme ennemis. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours. Harry Clavering. Sa lettre finie, Harry s'accouda un instant sur sa fenêtre ouverte, regardant la lune qui planait au-dessus du square et pensant la vie qu'il avait menée jusqu'ici. Les grandes espérances de sa jeunesse ne s'étaient pas réalisées. Sa situation présente n'avait rien de bien brillant. Il était fiancé à une jeune fille, mais n'avait aucun revenu pour rentrer en ménage. Il n'avait tenu qu'à lui d'acquérir une grande fortune. Il était difficile de penser à cela sans regret. Il l'essaya cependant. Il se disait bien qu'il eût été mal à lui de recueillir une fortune que Julie n'avait acquise qu'en le trompant, et de s'enrichir des dépouilles de Lord Ongar. Mais en même temps, il pensait à l'immense fortune qu'il sacrifiait, et ne pouvait guère se réjouir du sacrifice. Il essaya pourtant de se convaincre qu'il en était joyeux et satisfait. Dès le lendemain matin, il mit sa lettre à la poste et se rendit en fiacre à Hounslow Crescent. La bergerie lui était fort agréable quand le berger en était absent. Il ne put refuser le plaisir d'y passer quelques instants. Le soir, en rentrant de son club, il trouva un billet de Lady Ongar. Il était court et il fut très vexé de l'aisance apparente avec laquelle elle lui avait répondu. Elle semblait avoir écrit au courant de la plume les mots suivants. « Cher Harry, nous sommes quittes maintenant. Je ne vois aucune raison pour nous traiter mutuellement en ennemis à l'avenir. Pour moi, je ne saurais jamais être votre ennemi. Je crois qu'il est préférable que nous ayons une entrevue. Et s'il ne vous déplaît pas de venir me voir, je serai chez moi le soir que vous voudrez bien fixer. À vrai dire, je suis chez moi tous les soirs. Assurément, Harry, aucune raison ne peut nous empêcher de nous voir. Ne craignez pas qu'il y ait aucun danger. Je vous prie de présenter mes compliments à Miss Burton avec mes vœux les plus sincères pour son bonheur. J'ai vu aussi votre Mrs. Burton, comme vous le savez peut-être, et je vous félicite d'avoir une pareille amie. Votre amie toujours dévouée, Julie Ongar. » Cette lettre paraissait d'abord peu coûteuse à écrire, et cependant, Julie, en traçant ces quelques mots, avait plus souffert que Harry en rédigeant sa longue lettre. Mais elle avait su cacher sa douleur, et son ton n'avait aucunement trahi les souffrances d'un cœur blessé. Il fallait renoncer au rêve qu'avait caressé son amour. Elle avait cru aux paroles brûlantes que Harry lui avait adressées. Elle s'était promis de réparer ses torts en l'enrichissant des dépouilles de Lord Ongar. Tous ses projets étaient mis à néant. En punition de sa première perfidie, elle se voyait délaissée à son tour. Ils étaient quittes, elle et Harry. Pourquoi s'en voudrait-il ? Mais que ferait-elle de sa fortune et de cette résidence qu'elle possédait à la campagne, puisqu'il fallait renoncer à l'espoir d'y voir régner et commander en maître celui qu'elle aimait ? Ongar Park, qui n'avait cessé de lui être odieux, allait lui devenir insupportable. Aussitôt après avoir écrit à Harry, elle envoya un mot à M. Turnbull, son notaire. Celui-ci se présenta le lendemain chez elle. Il ne la connaissait que fort peu, l'ayant vue deux ou trois fois depuis son retour en Angleterre. Pendant qu'elle était à Florence, elle l'avait chargé de soigner ses intérêts, et il s'en était occupé avec une parfaite loyauté. « J'ai à vous parler, Monsieur Turnbull, » lui dit-elle au sujet de cette résidence que j'ai dans le Surrey. « Je ne l'aime pas du tout. »« Vous n'aimez pas Ongar Park. J'ai toujours entendu dire que c'était une résidence enchanteresse. Pas pour moi, et je veux m'en défaire. Les oncles de Lord Ongar désirent acheter mes droits sur cette propriété. Mon beau-frère Sir Hugh Clavering est venu me le dire de leur part. En quoi il a tort, car de telles affaires doivent être traitées par des hommes de loi. » M. Turnbull sourit et s'inclina en signe d'acquiescement. « Je crains, reprit-elle, que la famille ne m'ait trouvé peu poli. Je n'ai rien voulu faire par l'intermédiaire de Sir Hughes, mais je n'ai aucune raison d'en vouloir à la famille du jeune lord. Je n'ai pas à me plaindre des Corton. Tout ce qui s'est passé a été le fait de Lord Ongar. » Il faut rappeler qu'au retour de Julie, la famille Corton avait voulu lui refuser la jouissance d'Ongar Park et ne lui servir que le revenu fixé par le contrat de mariage. Mais son énergie, servie par M. de Turnbull, avait triomphé de cette opposition. « Les parents de Lord Ongar, continua-t-elle, ne sauraient être mes amis. Mais ils ne m'ont pas fait de mal et je désire les obliger. Si Ongar Park m'avait plu, je l'aurais gardé, mais je n'y tiens pas et je le leur céderai volontiers. A-t-on fixé un prix à cette cession ? Il n'est pas question d'en fixer aucun. La mère de Lord Ongar peut entrer en possession d'Ongar Park. Je lui cède tous mes droits. Au moins, elle payera un loyer, dit Monsieur Turnbull. Rien de semblable. Je ne veux ni louer cette résidence ni la vendre. Elle ne fera l'objet d'aucun marché. Mais comme je ne veux pas l'habiter, je ne veux pas non plus la garder. Voulez-vous voir le notaire de M. Corton et vous entendre avec lui ? Mais, Lady Ongar, vos droits sur cette terre valent bien 20 000 livres sterling. Vous pourriez les emprunter sur cette garantie. Je n'ai nul besoin de faire un pareil emprunt. Je le sais, mais c'est mon devoir de vous rappeler cela. Vous faites présent de cette somme à des gens qui n'en ont pas besoin et qui ne la demandent pas. Mrs. Corton a un vif désir de posséder cette résidence, mais elle n'a jamais compté l'avoir sans la payer. Un procédé comme le vôtre est romanesque. C'est ainsi qu'en jugera le monde. Monsieur Turnbull, le monde ne sait pas les raisons que j'ai pour agir ainsi. Le digne notaire se tut et parut comme attristé. Sa cliente n'avait aucun conseiller à qui elle pût s'adresser, et il craignait que sa considération à lui n'en souffrît s'il laissait consommer cet inutile sacrifice. « Je vous parle très sérieusement, reprit-elle, et vous ferez aussi bien de vous prêter de bonne grâce à mes projets insensés. » De nouveau, M. Turnbull prit un air pensif et chagrin, et il se mit à chercher un nouvel argument décisif pour opposer au projet insensé de sa cliente. « Lady Ongar, dit-il, il y a deux raisons qui devraient vous empêcher d'agir ainsi que vous le faites. Le monde dira que vous avez cédé Ongar Park parce que vous aviez peur de le garder. Vraiment, vous feriez mieux de laisser les choses comme elles sont. Peu m'importe ce que dira le monde, dit-elle en se relevant brusquement, cela m'est parfaitement égal. Mais n'y a-t-il pas d'autres intérêts engagés dans cette affaire qui pourraient le dire? Vous pouvez vous marier, avoir des enfants, vivre 50 ans de plus. C'est mon devoir de vous rappeler tout cela. Sans doute, monsieur Turnbull. Vous faites votre devoir en me parlant ainsi, dit-elle, en essayant de paraître calme. Mais que je doive me marier ou non, je veux renoncer à cette propriété. Je me soucie peu de ce que dira le monde. C'était bien différent à l'époque de mon retour. Alors on a dit des choses qui m'ont rendu profondément malheureuse. Maintenant, j'ai fait triompher mes droits, et cela me suffit. Si vous voulez bien faire ce que je vous demande, je vous en serai obligé. Si vous êtes tout à fait décidé. Tout à fait. Qu'est-ce que je ferai de cette demeure? Qu'est-ce que je puis faire même de l'argent que je reçois? Je ne sais quel usage en faire. Le ton profondément triste dont elle dit ces derniers mots inspira au notaire une pitié sincère. Songez, lui dit-il, qu'il n'y a que peu de temps que vous êtes veuve. Les choses pourront changer. Je changerai de vêtements, répondit-elle, mais ce sera tout. Je compte sur vous pour faire ce que je vous ai demandé et communiquer mes instructions au notaire de Mrs. Corton. M. Turnbull, voyant que sa décision était arrêtée, promit de lui obéir et se retira. Elle n'avait fait connaître à son notaire qu'une partie des projets qui occupaient alors son esprit. Elle songeait à d'autres sacrifices plus étendus. Elle avait gardé la fortune de Lord Ongar, pensant y trouver au moins quelques jouissances. La pensée qu'elle avait une fortune à donner et que peut-être Harry Clavering l'accepterait de ses mains l'avait agréablement occupée. Mais maintenant qu'elle n'avait plus l'amour de Harry, ni personne à qui elle pût faire partager son opulence, elle trouvait la richesse un fardeau. Depuis la visite de Cecilia Burton, surtout, elle s'était prise à penser que l'acquisition de cette fortune l'avait dégradée. C'était le prix de cette trahison. Plus d'une fois, son désespoir lui avait conseillé de chercher dans la mort une expiation de sa faute. Mais une telle résolution eût été coupable. Elle se résigna à vivre et se mit à faire et à défaire 1000 projets sur la manière dont elle vivrait désormais. Dans tout s'entrait l'idée du sacrifice, d'une partie au moins de sa fortune. Elle ne garderait que ce qui lui était nécessaire pour vivre modestement. Mais que dirait le monde après ce dernier sacrifice? Son désintéressement et cette expiation de sa faute ne lui vaudraient-elles pas plus de blâme que d'éloges? Ne ferait-il pas rire à ses dépens? Elle avait sur ce point bien des doutes. Pourquoi Harry lui avait-il retiré son amour? Cette amère pensée se présentait sans cesse à son esprit, mais elle sentait que son malheur était consommé et désormais irréparable.